Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Paparatin, mon pote. Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle, nouveau numéro qui commence aujourd'hui à Montréal avec Sébastien Plante du groupe rock populaire au Québec, elle est respectable, qui unit sa voix avec celle de son amoureuse Jessica Lapierre pour nous présenter leur premier titre ensemble, la célèbre Aimée d'amour, popularisée par Boule Noire et Nanette Walkman dans les années 70. Tout au long de cette émission, évidemment, des nouveautés de la scène internationale indépendante. Mais on commence avec Seb et Jess. Que j'attends, j'ai besoin de t'aimer, de te comprendre et d'être aimé, de te prendre dans mes bras, et là tu sais bien pourquoi. Oh, c'est Thomas Mustin, c'est un chanteur, auteur, compositeur, acteur et metteur en scène belge. On l'a vu d'ailleurs il y a peu dans une série à succès sur la télévision française. Il nous propose sa nouveauté, ça s'appelle Give Me a Hand. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Look at my angry eyes, I mean it. Under this empty sky, and I can barely talk about it. No, I can't even try. Oh no, there's no one around. And when there's no one around, can you hear me? Do you want me? Say louder. Ancoli est le duo folk francophone formé par Annick Berube et Nathalie Bernsa, deux amies musiciennes qui fabriquent des chansons pour faire du bien. Les voici avec un extrait de leur nouvel album, ça s'appelle « Mon armoire à misère », Ancoli. La courte échelle. C'est originaire des Alpes-Maritimes. Un jour dans le sillage du conteur Fred Pellerin, elle traverse l'Atlantique et amarre son cœur à la rive du Québec. Là-bas, illustratrice puis musicienne, elle cultive une passion pour le verbe imager et embrasse en secret le champ des possibles. La voici avec Alouette. Mon armoire à misère. La courte échelle. J'ai perdu la tête, j'ai perdu Alouette, ma cervelle d'oiseau fait défaut. J'ai perdu des plumes, du temps, j'ai des lacunes, écume ma mémoire, d'écumoire. J'ai perdu la page de nos livres d'images, ton visage est perdu. Qui es-tu? J'ai perdu la raison, j'habite une saison où demain, comme hier, m'est un mystère. C'est ainsi qu'on s'envole, qu'on se débattit folle. Car le ciel me fait moins peur quand je bats des ailes. Sa humeur, c'est ainsi qu'on décolle, qu'on retourne à l'école en suivant des lueurs de folie pour tomber dans l'oubli. J'ai perdu la trace du bon. Vieux temps qui passe, dis, quand reviendras-tu? Où es-tu? J'ai perdu l'adresse, un chemin de traverse et courte le trajet de mes pensées. J'ai perdu la clé de mon jardin secret, je t'attends sur un banc comme avant. J'ai perdu patience, je retourne en enfance car c'est belle. Chaque semaine, découvrez dans La Courte Échelle le meilleur de la scène indépendante. Bruyère est un collectif musical formé cette année. Il regroupe Roger Cournoyer, Mathieu Rancourt et Flavie Dufour. L'intérêt d'un tel projet est né de l'envie de créer des rencontres artistiques où la spontanéité et l'expressivité sont mises de l'avant pour permettre la création d'œuvres vivantes et intemporelles. Voici Bruyère avec Clair Obscur. D'une chandelle, j'ai vu le temps passé, j'ai écrit le présent, vu l'ombre s'éteindre. Les rayons du soleil me glissent entre les doigts. Calme de la lune répond à bien des pourquoi. L'espoir, c'est tout. Nos cœurs s'arrachent. Nos vies s'éloignent. J'aimerais poser ma tête, la peser un peu. J'aimerais poser ma tête, m'apaiser un peu. Joanne, c'est un duo énergique et captivant. Il nous arrive avec un morceau country folk, super rafraîchissant, maison lointaine, et tiré d'un nouvel EP à paraître au printemps prochain. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. La lune se cache, c'est bientôt l'aube. Dans sa chambre, elle dort encore. Elle habite dans une vieille ville fantôme que j'ai quittée pour vivre autre chose. J'entends souvent, quand le jour s'achève, la berceuse qui me chantait pour faire. S'il y a 800 000 qui nous séparent, je garde son sourire dans ma mémoire. Même si elle vit dans une ville lointaine, jamais je l'oublie, elle coule dans mes veines. Bruno Bauer nous propose un titre porté par un riff de guitare et des paroles en français qui n'ont pour lui pas été simples à trouver puisqu'il voulait garder toute la puissance du morceau. Voici Aucune Merci par Bruno Bauer. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Aucune merci. tourner, que tes membres se mettent à voler, tu peux crier à l'aide. Cindy, toi qui les coups de sucre candies, toi qui toujours me fuis, il fallait réfléchir avant. Honey, sois qui mal agit, qu'est-ce que je t'avais dit, je t'avais prévenu souvent. Caroline Douré est originaire de Paris. Elle rencontre Richard Lafleur à son arrivée à Montréal en 2005 et c'est le début d'une longue collaboration entre ces deux amoureux de la musique. Voici Clara and the Sky avec Hot Mer. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. étoiles brillent pour toi. Échelle. Chaque semaine dans votre radio, La Courte Échelle. Dans un numéro précédent de La Courte Échelle, nous avons écouté La Falaise, un extrait de l'album Valser dehors de David Robert. Voici un nouvel extrait de cet album, avec justement le titre éponyme Valser dehors. Les pieds dans boîte, le sourire facile, car je sens dans l'air la terre qui se ranime. Patient, j'attends qu'on soulève la question. Et si un jour ça déborde pour de bon? C'est le dégel qui fait que ton île se fond dans le décor. Je te cherche plus fort, subtil, sensible. Tu déjoues l'illusion. Le matin quand se pointent les bourgeons, c'est offrir, découvre-toi d'un fil, aide-moi à déjeuner. Si long et si tranquille, l'hiver difficile à aimer. Les oreilles qui scellent le bruit de la ville. Quand tu veux me retrouver comme un soleil qui me donne envie de me lever, de me lever. Dans un grand sac et vlan, balayer le ménage, sortir l'inutile du garage. Le corps est moins pesant, le moral est d'acier. Moins pire que Mars, mais moins de fun que mai. C'est le silence qui fête mon arrivée dans ton pays et me piégera ici. Patient, j'attends que la marée descende pour me jeter sur tes côtes et me rendre mes bottes pleines, le visage aussi tellement j'ai pris l'averse. Mais je sais que tu restes subtil, sensible, plus forte qu'avant. Car tu sais traverser le printemps. Même si c'est offrir, découvre tout ta file. Et si tranquille, l'hiver difficile à aimer. Les oreilles qui scellent le bruit de la ville. Quand tu veux me retrouver comme un soleil qui me donne envie de me lever, de me lever. Un grand espace du temps, un nouveau paysage, dessiner en règle l'image. Sans les grands monstres blancs, sans la nature gelée, une autre fois encore, quand reviendra le joli mai. Michel Budria pourrait être originaire des États-Unis ou du Canada, tellement sa musique sonne US et pourtant elle est bien de Bayonne. Elle compose et écrit ses chansons en français avec ce côté très folk country dans le choix des arrangements et dans sa manière de raconter des histoires. La voici avec Tatou. Comme un soleil, toi qui m'attends au fil d'arrivée. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Thank you. légende mexicaine, symbole de la vie que tu es. Migraï Galway, qu'on a notamment pu connaître dans l'émission La Voix 5 et dans le groupe Soul Secret Agency, est au cœur de la nouvelle formation Feed the Beast, projet musical aux sonorités très soul, électro et trip-hop, dont nous allons écouter un extrait avec Darkest Hour. La courte échelle. Yeah. Nathalie Dano est une auteure, interprète belge passionnée de chansons françaises. Elle donne beaucoup de concerts dans sa région et pour ne pas en rester là, elle a décidé depuis plusieurs années de faire du coaching vocal. La voici avec des ailes. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je me suis réveillée ce matin avec des ailes. J'ai dit c'est le moment, c'est l'instant, vas-y ma belle. Faut que tu tires sur toutes les ficelles. Pas besoin de faire dans la dentelle. T'es pas moche, pas trop cloche, faut que t'accroches, tu décroches le septième ciel. Restons en Belgique, si vous le voulez bien, avec une chanteuse qui s'appelle Carmen. La musique a été composée par Ange Remillat, qu'on a déjà entendu souvent dans La Courte Échelle. Le titre de la chanson, ça s'appelle « J'ai envie de crier ». Elle a d'ailleurs été enregistrée également dans le studio d'Ange Remillat. La Courte Échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes. Enfin j'existe et je le sais, j'ai envie de transmettre mon savoir, le don que les anges m'ont donné, j'y suis arrivée, je ne peux le croire, j'étais coincée dans cet enfer, et j'avais froid, malgré les flammes. J'étais perdue dans cet espace, des barres d'acier m'emprisonnaient. J'ai tant souffert, j'ai envie de crier. J'ai tant souffert, j'ai envie de crier. J'ai envie de crier, j'ai envie de crier. J'ai envie de crier, c'était le ciel, mon univers, et j'avais hâte de le rejoindre, ces cimetières remplie de fleurs, aucune d'elles qui est la mienne. Je ne souffre plus, j'ai envie de crier. Je ne souffre plus, j'ai envie de crier. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier. De crier. J'étais vivante dans mon sommeil et je mourrais, soleil levant, condamnée dans la certitude, faisant victoire de mes espoirs. J'ai de grands vides dans ma vie, plein de questions sans une réponse. Peut-être un frère qui me protège. Fais-moi un signe si tu m'entends. Je finirai par le savoir. Je finirai par le savoir. J'ai envie de crier et de chanter. Je finirai par le savoir. Je finirai par le savoir. J'ai envie de crier, de chanter. Je finirai par le savoir. Je finirai par le savoir. J'ai envie de chanter, ne plus crier. Célestin est un chanteur multi-instrumentiste qui aime s'affranchir des frontières et des conventions. Le voici avec un nouveau single issu de son deuxième album, Deuxième Acte. Ça s'appelle Miss Lune. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Les pieds sur lune, l'uniblement erratique, et j'ai la tête dans la terre. J'ai le don de marcher sur les mers et de planer comme une plume satellisée dans cet endroit qui tourne à l'envers. J'ai tracé dans la poussière ces mots. Cherche une lunienne pour balade au clair de terre, pour mettre à nos annulaires des mini-anneaux de Saturne. L'amour en apesanteur, ça doit valoir son pesant d'air. Es-tu au fond de quel cratère? Serais-tu perdu dans une mer de dunes? J'aurais déjà dû te trouver, quel mystère. Seul je rêve. Sur chaque clopin de lune, sur quelle facette tu cachais, je ne demande pas la terre. Malgré l'attraction lunestre, mon cœur est comme une enclume, et mon espoir décroissant que je puisse rien y faire. Es-tu au fond de quel cratère? Serais-tu perdu dans une mer de dunes? J'aurais déjà dû te trouver, quel. Stéphane Moreau nous présente un nouveau morceau de style country. Ça s'appelle On chauffera l'autobus demain. La gang pour sortir à la campagne. Danny s'est occupé de la vieille. Moi j'ai apporté ma guitare que je peux traîner dehors. En chauffant l'autobus demain, à soir on fête jusqu'au matin. Sors ta guitare, viens jouer dehors. À soir on est ici pour boire. Y'a de l'aspirine en masse dans le coffre à gants. Annick demandait des chansons, du country le volume dans le plafond. C'est le qui remplissait nos verres, fallait pas arrêter de boire. Moi j'ai joué vos demandes spéciales, j'en ai perdu mes cordes vocales. À force de crier toute la nuit, c'est vrai qu'on est bien ici. On chauffera l'autobus demain. À soir on fait jusqu'au matin. On chauffera l'autobus demain. À soir on fête jusqu'au matin. Au petit matin, on s'est endormi, y'avait plus de Tennessee whisky. C'est Nick pis sa belle Vicky qui l'avait fini. On a dormi une heure ou deux, je vous dis qu'on avait mal aux cheveux. Mais quand le soleil s'est levé, on a recommencé. On chauffera l'autobus demain. On reste dans le style country avec Tali Boyer, cet enfant. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Cet enfant qui me regarde comme tu le faisais. Bon, certes, aujourd'hui, la country de Tali Boyer n'était pas aussi rapide que celle de Stéphane Moreau. C'est néanmoins une très belle chanson découverte de la courte échelle. Formé en 2018, Wild Crush est un groupe pop alternatif canadien qui cumule autant d'attention sur les réseaux sociaux qu'à la radio depuis les derniers mois. Les voici pour terminer l'émission avec Some On To Hold. Alors c'est vrai, dans l'émission du jour, il y a eu beaucoup de nouveautés canadiennes. C'est comme ça cette semaine. La semaine prochaine, il en sera sans doute autrement. Il y a également probablement des titres qui ne vous ont pas plu, ça c'est certain. Tous les goûts sont dans la nature. Mais je suis sûr que vous y avez trouvé quand même votre compte, comme chaque semaine, dans la courte échelle. Chaque semaine, dans la courte échelle, les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles musicaux. Je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de votre radio favori. Je vous retrouve très bientôt dans la courte échelle. En attendant, eh bien, je vous souhaite le meilleur et soyez heureux. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.